01 53 79 59 32 2 03 88 52 28 10 3 09 70 60 99 60 4 03 20 41 60 00 5 05 53 05 65 94 6 01 43 16 45 41